Le 26, le porte-parole du comité central de l'Union socialiste des femmes de Corée a publié une communication pour condamner les démarches des impérialistes américains et des autorités sud-coréennes qui se démènent frénétiquement au simulacre de guerre d'agression contre le Nord en introduisant en quantité les moyens de frappe nucléaire en Corée du Sud et à ses alentours. En voici le résumé. Répondre résolument à la guerre totale par la guerre totale et à la guerre nucléaire par l'attaque nucléaire à la Corée pour sauvegarder la dignité et la paix de la nation et remporter la victoire finale dans la confrontation avec les États-Unis, voilà la volonté et la foi unanime de l'armée et de toutes les femmes coréennes. Si jamais les Yankees lancent une étincelle de provocation sur le territoire sacré de notre République, nous nous engagerons sans hésitation dans la bataille acharnée comme les héroïnes Han Yong-hae et Cho-ho-ki des années 1950, afin de montrer parfaitement du courage et de la vigueur des Coréennes aux agresseurs et provocateurs. Les bandits américains et les traîtres sud-coréens qui se démènent pour nous priver de la dignité, de la souveraineté et de la vie heureuse éprouveront combien sont impitoyables les coups de feu empreints de rancune et de châtiment des Coréennes. Toutes les Coréennes du Nord, du Sud et de la diaspora sont appelées à s'engager farouchement dans la lutte pan-nationale contre les États-Unis pour déjouer la provocation d'une guerre nucléaire des impérialistes américains, auteurs de l'agression visant à porter atteinte à la souveraineté et au droit à l'existence de notre nation et perturbateurs de la paix de l'humanité, et assurer une paix durable sur toute l'étendue de la Corée.